mascara mélangé à tes larmes. Voilà la langue qui servira à faire le deuil de mon âme. Écriture vaine de douleur, bleu ciel est ma couleur. Écrire des poésies sur ta peau pendant des heures. Ressentir la joie aussi d'aucun drap de satin. Mille et une feuilles blanches s'éteignent entre mes mains. Passe du noir au blanc, bancal et dans les temps. Résultat, je finis en pleurs dans les bras de Satan. Je ne dirai pas, tu vois que je suis lunatique. Mais c'est vrai, l'incompréhension, voilà ce qui m'attise. J'aurais beau m'évader sur un millier d'épîtres, lettres missives. Je m'attarde sur les sujets satiriques. Serais-je aussi saoul qu'un buveur de cognac? Ou de la même insouciance qu'un cornac? Situation improbable, me direz-vous, alors qu'une tragédie pourrait assommer le sourire d'un clown. Discours décousu à l'horizon, je l'aperçois. Comment se rassurer face à l'imprévu et si loin de toi? Évite les questions qui m'exaspèrent, même si j'envie tous ces mots qui effleurent tes lèvres. Quelques mots pour embellir la réalité. Ce n'est pas la solitude mais soi-même qu'on essaie d'échapper. Mélancolique, abattu dans l'amertume, je ressens ce bonheur d'être triste, voilà ce qui me tue. Pique au cœur qui rend la vie infernale. Emprisonné entre deux carreaux, le trèfle n'a rien à faire là. Je m'efforce de jouer carte sur table et dévoile mes sentiments pour être quelqu'un de vivable. J'ai envie d'être vulgaire dans certains contextes, alors pour parler fou, fuck le flow, tout est dans le texte. Voilà la phase qui m'a fait monter d'un level. Ce n'est pas pour autant que tu me verras vociférer, yeah my man. Prends du recul pour mieux m'élancer. Comprends comment je fais pour avancer. Laisse derrière moi une traînée de spleen et j'espère ne jamais regretter what I've been. Lorsque certains se souviennent pour vivre, pour ma part, je vis pour me souvenir. Qui aurait cru qu'inappréciable et précieux signifie la même chose? Peu importe, j'espère vous en donner à grande dose. Ça se voit, non? Oh oui, j'ai le blues et d'écouter leur vécu, man, ça m'a blasé. Sous la peau me pousse des plumes d'inspire. Vous donner du love à tous, ça n'a pas pris. Poète aguerri, inspiré de la langue de Molière. Curtain close, appelle-moi le malade imaginaire. Musique, je te aime, plus que de raison. Tout ce qui nous attire et anime, c'est l'interdiction. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. La main sur le cœur et surtout le cœur dans la main. Celui qui sait écrire sait dessiner. Aussi talentueux qu'un voyant qui lit une destinée. Je suis lassé à cette belle mélodie qui me fait oublier que je suis lassé de cette vie. Mais la couleur de sa dentelle me tient en haleine. Sur le port d'Amsterdam, gars, elle sera mienne. Le blues se mesure à la tristesse d'un homme, mais aussi discret qu'une pluie d'automne. La solitude va de pair avec la folie, aussi fou qu'une fleur qui pousse sur un cœur plein de mélancolie. Est-ce un défaut d'avoir du répondant? Ou aussi ridicule que de mourir pendant? Je ne veux pas vivre en me disant j'aurais pu, et encore moins vieillir en me disant j'aurais dû. J'aurais dû.